c'est que j'imagine encore ton corps là près du bord et tes yeux nous regarder sauter sans effort et ces enfants que tu aimais et de moi tu te demandais si c'était moi qu'il fallait, qu'il leur fallait. Pourvu. À ne pas se tromper de sort. Tu étais comme nous sur le plongeoir à éviter. La hauteur, la peur. Que va-t-il se passer si se tromper faisait partie du jeu? Et si ne plus gagner à chaque fois était plus noble que de pour y gâter? Que je ne pourrai jamais te promettre qu'il n'y ait pas de peine. Ça fait partie de dehors. S'il ne faut pas souffrir, il ne faut pas. Sortir.